De plume d'encre pour audiocité.net. Un confesseur tiré de lettres de femme de Marcel Prévost. Madame la baronne douairière de Carnoules à Monsieur l'abbé Jobin de la confrérie des missions d'Afrique à Paris. Nice, le 13 décembre. Mon cher abbé, vous êtes un saint, c'est une affaire entendue. Et j'ai le plus grand respect pour vous. Encore que vous soyez un jeune homme et que je sois, moi, une très vieille femme, mère et grand-mère. Personne n'est mieux instruite que moi de vos mérites et de vos vertus. C'est moi qui vous ai fait entrer au séminaire, voilà tantôt 10 ans. C'est moi qui vous ai présenté et recommandé aux missions d'Afrique, quand il a été constant que votre idée fixe était de vous faire martyriser le plus tôt possible. Je vous ai suivi attentivement, grâce à vos lettres et aux annales de la propagation de la foi, dans votre campagne de Madagascar et dans celle du Dahomey. Vous avez été admirable. Ah, il n'y a pas d'autre mot. Admirable. À moitié scalpé, tailladé, roué, brûlé, il a fallu l'ordre formel de vos supérieurs pour vous ramener à Paris, où vous ne consentez à demeurer que le temps de guérir vos fièvres, et encore, malgré vous. Je sais tout cela et je le répète, je vous respecte et je vous admire comme missionnaire. Mais je viens d'apprendre, non sans surprise, que comme confesseur, vous êtes le dernier des maladroits. Comme confesseur de jeune femme, du moins. Moi, vous m'avez confessé 2 ou 3 fois et tout s'est fort bien passé. Mais qu'est-ce que la confession d'une vieille de mon âge? Avoir eu des distractions pendant les offices? Avoir dit du mal de ma bonne amie, Madame Descoubres, avoir fait enrager mon gendre, la roche des noyers, etc. Je ne peux jamais trouver autre chose à vous raconter, et n'y ai pas grand mérite. Le temps n'est plus, j'allais dire, hélas, oubliant que je parle à un saint, le temps n'est plus pour moi des vrais gros péchés féminins. Vous attendiez-vous par hasard à recueillir des confidences aussi anodines quand je vous adressais ma petite fille Lucienne, récemment mariée au vicomte Luc de La Faye? Espériez-vous mes radotages inoffensifs sur ces lèvres de 19 ans et dans ce petit cœur si neuf, si vivant, si palpitant, mes pauvres froides vertus de pénitente sexagénaire? On le croirait vraiment, car vous avez si cruellement m'originé la pauvre enfant qu'en sortant de votre confessionnal, elle n'a pas osé affronter de nouveau cette intimité conjugale dont vous lui avez dépeint les périls. Elle a pris le premier train pour Nice et elle est venue se jeter, toute troublée, toute pleurante, dans les bras de sa vieille grand-mère. Je l'ai baisée, caressée, calmée de mon mieux. Je croyais d'abord à un événement d'importance, à une frasque prématurée de ce scélérat de La Faye, surprise par Lucienne. Quand ma chérie s'est un peu apaisée, je l'ai questionnée très délicatement. Nous autres, vieilles femmes, nos paroles, comme nos doigts, savent effleurer les blessures sans les froisser. D'abord, je n'ai obtenu que des exclamations vagues. « Ah, grand-maman, mais quel malheur! Oh, je ne savais pas que c'était mal, moi! On m'avait dit qu'une femme doit obéissance à son mari. Mon Dieu, mais comment vivre auprès de Luc désormais ?» Peu à peu, cependant, je voyais plus clair dans la pénombre de ce petit cœur houleux. Je comprenais à merveille le cas de Lucienne. Vous, mon cher abbé, j'ai le regret de vous le dire, vous n'y aviez rien entendu. Laissez-moi donc vous l'expliquer. Lucienne s'est mariée à 19 ans, après 2 années de cette vie de bal, de rallye, de tennis, de plage et de ville d'eau, qui est, paraît-il, le sport nécessaire à nos filles maintenant pour les préparer au mariage. Tout cela entremêlé de beaucoup de fadeurs dites par de jolis messieurs, de beaucoup de paroles scabreuses entendues d'une oreille, mal comprises à coup sûr, mais éveillant dans l'âme cependant une certaine inquiétude. Enfin, la meilleure éducation du monde pour exaspérer les curiosités d'une vierge en la laissant, en somme, ignorante. Quant à Luc de La Faye, son fiancé, ça avait été, depuis sa sortie de chez les bons pères jusqu'à 30 ans, qu'il atteignit presque, un de nos plus enragés fêteurs, comme ils disent aujourd'hui à Paris. Des coups de tête, des coups de cœur et des coups d'épée, voilà le résumé de sa vie de garçon. Il me séduisit justement par là et me rassura. « Oh, ne faites pas la mine, l'abbé !» Un fêteur dégoûté de la fête, s'il est encore robuste et gai, le cas du vicomte justement, est tout préparé pour rendre une honnête fille heureuse en ménage. Il vient bien de le prouver, le brigand. Luc, qui me plaisait fort et qui, j'ai la faiblesse de le croire, ne s'ennuyait pas en ma compagnie, m'avait bien avant son mariage exposé la conduite qu'il comptait tenir avec la future vicomtesse. « Je veux, disait-il, que nulle de mes maîtresses passées n'ait été aussi toquée de moi que ma femme. Et réciproquement, je veux n'avoir jamais été emballée sur une femme comme sur la mienne. » Ce sont ces expressions que je vous cite. Oh, moi je riais, et regardant du coin de l'œil ce vigoureux garçon, si brillant, si en train, je pensais. Ah, la vicomtesse ne s'ennuiera pas. Quand j'ai vu le vicomte tourner autour de ma petite Lucienne, quand j'ai vu celle-ci flattée de la cour qu'il lui faisait, puis rêveuse, puis gentiment amoureuse, j'ai jeté les deux jeunes gens dans les bras l'un de l'autre et je leur ai dit « Mariez-vous, mes enfants, et donnez-moi vite des petits Lafaille. J'ai une grosse envie d'être bisaïeule. » Luc de Lafaille n'a pas plus tôt été marié qu'il a mis en pratique ses résolutions de célibataire. Ah non, la vicomtesse n'a pas eu le temps de s'ennuyer pendant le voyage de noces. Vous a-t-elle tout raconté, l'abbé? J'en doute. D'abord, c'est bien plus difficile d'expliquer ça, même derrière une grille de bois, à un jeune missionnaire comme vous qu'à une vieille grand-mère. Et puis moi, pendant qu'elle me faisait sa petite confession, je l'encourageais, je la caressais, je l'embrassais, et cela venait tout seul. Tandis que vous, mon cher abbé, il paraît que vous poussiez des exclamations, que vous tapiez sur la grille, et que vous inventiez des pénitences. Mais quel péché a-t-elle donc commis, la chère mignonne? Elle s'est laissée adorer par son mari. Elle l'a adoré de tout son cœur. Elle lui a appartenu, âme et corps, comme une maîtresse. Tout ce qu'il a demandé d'elle, elle le lui a donné. Elle n'y a pas eu de répugnance parce que Luc lui plaisait infiniment. Elle n'en a pas eu de remords parce que c'était son mari et qu'on lui avait dit « Laisse-toi guider par ton mari ». Même, elle ne vous aurait point soufflé mot de tout cela si vos questions bizarres ne lui eussent arraché son secret, lambeau par lambeau. Mais vous rendez-vous compte à présent de l'effet produit sur cette âme sincère et toute naïve par votre indignation d'apôtre, mon cher abbé? Lucienne est entrée dans votre confessionnal, la conscience en repos, convaincue qu'elle était une parfaite honnête femme. Elle en est sortie épouvantée, ne sachant plus ce qui était permis ni ce qui était défendu entre époux, adorant encore Luc, et en ayant peur à tel point qu'elle n'a trouvé d'autre refuge contre ses terreurs et son chagrin que l'affection de son aïeul. Et si je n'avais pas été là? Vos théories en matière conjugale, mon bon abbé, n'auront pas aussi facilement raison de moi que de ma petite fille, je vous en préviens, car j'ai beaucoup vécu et je suis fort entêtée. Vous ne me persuaderez jamais que deux jeunes gens tels que Luc et Lucienne doivent s'acquitter de leur fonction d'époux avec autant de gravité guindée que si Monsieur le maire les surveillait encore sain de son écharpe. Ma parole, je ris toute seule en pensant à la scène que vous rêvez entre deux jeunes mariés. Madame, s'il vous plaît, nous allons donner le jour à un chrétien, ou du moins nous y efforcer. Oh, monsieur, je suis votre servante obéissante, quand il vous plaira. Avant d'unir nos efforts, madame, rappelez-vous bien, je vous prie, qu'ils n'ont d'autre but que la perpétuation de notre espèce. Oh, pour moi, je me propose, au cours de cette œuvre commune, de fixer mes réflexions sur les diverses carrières que pourra suivre notre fils dans quelques années, si toutefois Dieu nous accorde un fils. Oh, moi, monsieur, tout en coopérant de mon mieux avec vous, je me remémorerai quelques propos de Fénelon sur l'éducation des filles que j'ai relus ce matin. Telle serait, n'est-ce pas, mon cher missionnaire, la conversation idéale entre deux époux qui vont accomplir ce que vous nommez, d'un nom si vilain, si brutal, l'œuvre de chair? Vous ajoutez même, m'a dit Lucienne, que toute lumière doit être soigneusement éteinte, que les lèvres doivent être closes, et ne pas se chercher que les mains doivent demeurer chastes et inoccupées. Abandonner les vêtements légers de la nuit vous semble une affreuse indécence. Vous en conseillez même de particuliers, très épais, avec des dispositions spéciales. Il paraît qu'on fabrique de pareilles horreurs dans certains ouvroirs. Quant aux familiarités tendres, à tout ce qui est l'enjolivement, l'enguirlandement de l'amour, le seul récit en excite chez vous la fureur de Moïse devant le veau d'or. et ma pauvre mignonne Lucienne avait tant de ces familiarités-là à confesser. Eh bien, l'abbé, quoique vous soyez un saint et moi une pécheresse, je vous déclare que vous vous trompez au point de vue de la nature et de la morale, entendez-vous? Et je suis sûre d'avoir raison. Lorsqu'un ménage s'adore à la façon de Luc et de Lucienne, c'est pain béni. Et vous devriez vous en réjouir, car un pareil exemple prêche contre l'adultère mieux que le plus éloquent de vos sermons. Quant à la forme de cet amour, peu importe à mon avis. Depuis que le monde est monde, l'amour existe, et ses lois ne changent guère. Les bras cherchent les tailles, les lèvres cherchent les lèvres, avec tant de spontanéité que c'est évidemment la faute au bon Dieu, et qu'il aurait mauvaise grâce à s'en fâcher. Voilà ce que j'ai dit à ma petite fille, mon cher abbé, et comme elle a confiance en sa mère grand, j'ai eu la joie de la renvoyer ce soir même, rassurée et joyeuse, à son mari déjà inquiet. Ne vous étonnez pas si elle ne se confesse plus à vous désormais. Je l'adresse à un père jésuite de mes amis qui a la spécialité des jeunes femmes et qu'on dit rempli d'indulgence. Moi, je vous reste fidèle et vous pourrez, revenu à Paris, me gronder et me damner à votre aise. Jusque-là, méditez les conseils que votre vieille pénitente se permet de vous donner. Ce qui vous perd comme confesseur, j'en suis bien sûr, c'est d'avoir été missionnaire. Vous vous imaginez toujours avoir affaire à vos négrillons d'Afrique. Mais, Luc et Lucienne, mon cher abbé, si gentils tous les deux, ils doivent être à croquer dans ces moments-là.